France Culture, Christine Bernard. Une histoire particulière. Belle et heureuse année à tous à l'écoute des histoires particulières concoctées chaque week-end par les producteurs et réalisateurs, tous prêts à dégainer des histoires les plus singulières qui soient. Voici la première de 2019. Dans les années 1850, pendant la ruée vers l'or, un nombre important de bandits organisaient des braquages de wagons cargo qui passaient les différentes frontières des États-Unis. Perry Brink va créer sa modeste entreprise personnelle, la Brink's City Express, en achetant un chariot pour effectuer des transports de biens, de bagages et de marchandises dans les limites de la ville de Chicago. En 30 ans, la société Brink's est passée d'un cheval avec un chariot à 170 chevaux et 85 chariots. En parallèle, la population de Chicago explose. 500 000 habitants en 1880, puis d'1 700 000 en 1990. Cette population galopante, non contrôlée, crée des noyaux de criminalité dans toute la ville avec la formation de groupes de gangsters organisés. Le 28 août 1917, Brink's va vivre son premier cambriolage. Aujourd'hui, c'est Stéphane Bonnefoy et Delphine Lemaire qui vous racontent tout sur l'attaque du premier dépôt de la Brink's en France. Bonsoir. Hold up avec prise d'otage la nuit dernière à Toulouse, montant du butin 15 millions de francs. Une nouvelle fois, c'est la société de transport de fonds Brink's qui a été prise pour cible. Un gang particulièrement bien organisé qui a procédé tranquillement, tout d'abord au domicile d'un cadre de la société et ensuite au dépôt de la Brink's. Je regrette. Je regrette les violences, surtout. Une attaque à main armée, c'est extrêmement violent. Même s'il n'y a pas de coup de feu, même s'il n'y a pas de blessés, pas de fusillade, etc., c'est de toute façon violent. Vous arrivez chez les gens, vous leur foutez un flingue sur la tempe, voilà, c'est terrible. J'aimerais pas qu'on me le fasse maintenant, ni à personne de ma famille. Il fallait quand même faire le boulot, quoi. En évitant la catastrophe. Voilà. C'est tout ce qui comptait, quoi. Gilles Bertin, une vie en sursis. Première partie, les années punk, drogue and Brink's. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy et Delphine Lemaire. T'es là à te branler, le temps passe en vain, à t'imbiber de noirs dessins. T'es là à poireauter dans ces journées sans fin, à digérer là ton destin. Car aujourd'hui comme demain, toujours le même refrain, la réalité, même refrain et même couplet. Toujours là à te faire chier, etc., etc., etc. C'est surtout Gilles. Voilà. Bah après, on avait un petit regard. Tout le monde avait un petit regard. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait quelques petites phrases, des petits mots, tout ça. On en parlait. Hein. En réalité, c'était vraiment ce qu'on vivait. Et ça a été le nom de l'album aussi, ouais. Dans une journée sans fin, c'est le brouillard, c'est incertain. Encore la même histoire. Ouais, ça parle de la dope, quoi. Quasiment tout le texte, hein, en fait. Gilles Bertin, octobre 2018. Oui, t'es là, te branler, le temps passe en vain, t'imbibé de noir dessin. Oui, c'est assez noir, c'est assez... Je me rends compte avec le temps que c'était extrêmement... C'est à la limite sinistre, quoi, ce qu'on écrivait. J'ai du mal à me reconnaître là-dedans, mais bon... On se rend compte à quel point on était pessimiste, quoi, à l'époque. En fait, tous les textes étaient assez sombres. Hein. Benoît Destriau. Là, je parle du côté noir, sombre, sordide et tout ça, mais faut voir qu'on était jeunes, qu'on était des bandes de petits cons qui faisaient n'importe quoi aussi. Hein. C'était à celui qui faisait la plus belle connerie. Hein. Gilles Bertin et Benoît Destriot, Les Enfants du Rock, 1983. La réalité, c'est tout. J'ai marre d'entendre dire le punk c'est ringard, etc. Alors qu'on écoute à longueur de journée. Mais hier, ça passe pas le jour. C'est beaucoup plus subversif qu'en 77. Parce qu'on en entend plus parler et pourtant il y a vachement de punk là, peut-être plus qu'en 77. En France, je pense que il y a 4 fois plus de groupes qu'en 77. Ça fleurit partout. Et personne n'en parle, bon, mais ça fait rien. De toute manière, ça se passera quand même parce que. Je suis Benoît qui jouait dans Caméra Silence avec Gilles dans les années 80. Voilà. Au début, le groupe, c'était 3 personnes. C'était Gilles, Philippe Le Chenet et moi. On a habité ensemble, Gilles et moi, dans un petit appart. Et puis, on a décidé de monter un groupe. Et c'est en bouquinant un bouquin sur la bande à Badère qu'on a trouvé le nom Caméra Silence. Bon, on était assez branchés sur ce genre de personnages à l'époque. C'était l'ultime rébellion. C'était quelques gars qui faisaient trembler et l'Allemagne et l'Europe, en fait. C'était assez fascinant. Pourquoi ce nom de groupe énigmatique en latin ? Ça veut dire quoi ? En latin ? Enfin, ça ne veut rien dire, je pense. En latin, on ne sait pas ce que ça veut dire, on sait ce que ça représente. Hein. C'est en Allemagne. C'est un mot inventé par la CIA, par les Américains. Ouais. Ça veut dire cellule de privation sensorielle. Exactement. Voilà. Système de privation sensorielle. C'est la torture propre, la torture des pays occidentaux. Raffiné. C'est quelque chose que vous dénoncez ? Ouais, bien sûr, comme toutes les tortures. C'est des cellules dans lesquelles il n'y a pas de son. C'est-à-dire que même quand on parle, on ne peut pas s'entendre. Le seul moyen qu'ils avaient pour ne pas devenir fou et pour se sentir vivant, c'était de poser sa tête sur son cœur, parce que là on pouvait entendre son cœur battre. Ça, c'est une caméra silence. Ouais, c'est un système qui a été mis au point par les Américains, je crois. Et notamment, les gens de la bande à Badère étaient enfermés dans ce genre de truc. C'est pour casser le psychisme des... Les gars, c'était des gros têtus, quoi. Et vous, quel lien vous aviez avec ça ? Nous, on n'avait aucun lien avec ça. Hein. On était punk, en fait, et tout ce qui était antisocial, antisociété, nous parlait, quoi. On ne travaillait pas, on vivait vraiment, on s'autosuffisait, on vivait vraiment entre nous, on squattait dans un appartement et on se débrouillait pour bouffer. Bon, on avait évidemment volé tout ce qu'on pouvait. Hein. On s'habillait comme on pouvait aussi, bon, c'était pas le plus grave. Hein. On vivait à la dure quand même, hein. On vivait vraiment notre truc à fond. Hein. On refusait absolument de s'intégrer à la société et voilà, et on vivait à fond, quoi. Alors à ce moment-là, on était punk. On était en trio et musicalement, on était donc branchés très speed, très punk. On a pris en marche la deuxième vague du punk, celle des années 80. La première vague, c'est celle des années 76-77. Et nous, on a pris le train avec celle de 80-81. Au début du groupe, on était vraiment dans la musique, et on répétait beaucoup, on faisait attention à ce qu'on faisait, on écoutait beaucoup de musique, on allait souvent en Angleterre s'inspirer... Nous, notre but, c'était de rivaliser avec les Anglais. Hein. Le moment punk, c'était surtout ce qu'on appelle en anglais « do it yourself ». N'importe qui peut le faire. Donc voilà, on espérait bien un jour monter sur scène, même si nous n'étions pas de grands musiciens, quoi. Mais après cela, on ne rêvait pas à une carrière, on n'y pensait même pas, quoi. Voilà, on vivait au jour le jour. Et la seule manière de se produire sur scène était effectivement à travers ces tremplins rock qu'organisait à Bordeaux l'association Rockotone. Nous sommes qualifiés pour la finale du tremplin, donc il y avait avec nous Noir Désir et deux autres groupes dont je ne me souviens plus. Donc Noir Désir évidemment gagne le tremplin, mais se sépare à ce moment-là et nous laisse donc le premier prix. Donc avec ce prix-là, nous sommes enregistrés notre premier album Réalité. Il s'en foutait, exploitait. Lolo, la mer est finie. Et je savais qu'un jour les rats vous préservent. C'est l'ennui, en fait, on en parle beaucoup. On traînait, on s'emmerdait, on se faisait chier, on n'avait pas d'avenir, on ne savait pas quoi foutre de nos 10 doigts. Et par-dessus ça, la maladie est arrivée, on savait pas ce que c'était au début, les uns partaient, on savait pas trop ce qui se passait, tout était sombre, enfin tout était gris, sombre, il y avait beaucoup de sordide en fait. Pas du tout des militants, on était vaguement anarchistes, mais bon, voilà, on n'en connaissait pas vraiment le sens. Je suis responsable de tout ce que j'ai fait, ce n'est pas mon enfant, ce n'est pas mes parents, même si on a eu des problèmes, même si elle était parfois difficile, c'est moi le responsable de tout ce qui arrive par la suite. Mon père n'était absolument pas un délinquant. Mon père était un militant communiste, alors bon voilà, d'où lorsque nous allons voler des livres, quelques livres dans les librairies de Bordeaux, dans la collection Maspero, on commence à voler quelques livres, bon voilà, Ni Dieu ni Maître, Anthologie de l'anarchisme de Daniel Guérin. J'ai commencé justement à lire et à apprendre avec mes amis, avec notamment le guitariste de Caméra Silence, qui est beaucoup plus âgé que moi, qui eux avaient été au lycée. Je n'ai pas fait d'études secondaires, moi. Je n'ai jamais été au lycée, même. Hein. J'étais de suite été dans un collège technique. J'ai appris le métier de mécanicien tourneur. Ouais, ça marche. On passait nos journées dans les troquets, en fait. La journée dans le troquet, le soir, on sortait retroquer et tout ça, mais... Des fois, même on n'atteignait même pas le soir, vu qu'à 8h, 8-9h, on était tellement torchés qu'on allait se coucher. Enfin bon, il y avait un bar où on traînait, dont on parle assez souvent, qui s'appelait le Chiquito. Il y a un baby-foot et tout ça, c'était le foyer, quoi. On y était tout le temps. Bon, moi, ça ne me dérangeait pas. Je jouais à la belote avec les vieux du quartier. Moi, j'aimais bien. Alors, je sais que Gilles, à partir de ce moment-là, je sais qu'il a commencé à se faire de plus en plus chier. L'alcool et les apéros à rallonge et la soulographie, je crois que ça le branchait de moins en moins. C'est vrai qu'à la longue, ça commençait à devenir lassant, quoi. Je veux dire, tous nos concerts se terminaient en baston, évidemment. Au bout d'un moment, c'était devenu un problème, et c'est peut-être pour cela aussi que voilà, à la fin on a commencé je me suis un petit peu séparé du groupe à cause de cela, je sais pas, on s'y retrouvait plus à la fin, faut être franc, quoi. C'était trop violent, quoi. Et y a aussi les gens qu'on rencontre, hein, à l'époque. Il s'est rapproché de plus en plus de Didier, qui était comme un cinquième membre du groupe, qui était avec nous dans les concerts, qui était assez branché, trafic en tout genre. Et ça s'est fait petit à petit, quoi. C'est-à-dire que, je menais une vie parallèle. Moi, je continuais à répéter avec Caméra Silence, je jouais avec Caméra Silence, nous avions quelques concerts même. Mais en même temps, à côté, pour gagner ma vie, et pour, voilà, j'avais cette autre vie, quoi. Je braquais déjà des bijouteries, des banques, quoi. Avec notamment mon ami Didier Iñaki. Didier était aussi le chauffeur de du groupe, hein, de Caméra Silence. Hein. C'était lui qui nous amenait au concert. Donc c'était un ami, presque un frère, hein, pour moi. Donc je menais deux vies parallèles, quoi. Ruins, c'est allé très vite, hein, aussi. 82-83. En 83, je rentre en prison, et en rentrant en prison, j'arrête l'héroïne et je n'y retoucherai plus jamais, quoi. Je n'y retouche plus jamais. Je rencontre en prison des gens, je retrouve des amis plus ou moins délinquants, plus ou moins punk, Et aussi d'autres, des anarchistes basques, un anarchiste basque, notamment... qui deviendra mon ami, non ? Et on commence, tous les trois, on prenait de l'héroïne avant de rentrer en prison, et tous les trois, on décide en même temps de ne plus en prendre. C'est une décision, une espèce de pacte qu'on passe tous les trois. C'est pas une vive pour nous, on arrête, c'est terminé. Mais en sortant de prison, le besoin d'adrénaline fait que, on remplace une addiction par une autre, et on tombe dans la délinquance. Petite délinquance, moyenne délinquance, et ensuite, on passe directement au braquage. Mais t'as qu'à barmer. C'était au début Iñaki, Didier et moi. Et ensuite, plus on a pris de l'ampleur, plus les gens se sont. Il y a d'autres gens qui se sont joints à nous. De tout. Un aréopage de voyous anarchos, de basques anarchistes. Il nous disait pas tout, hein, évidemment. C'était des trucs qu'il gardait pour lui, mais on sentait bien qu'il y avait un truc qui allait pas. On sentait bien la dérive. Mais après, c'était aussi lié à notre groupe et aussi à l'essoufflement de cette musique, parce que vers 85, déjà tout ce mouvement, tout ça s'est essoufflé. Puis le jour où Gilles il a fallu qu'ils partent, ça a été une rupture. Et un beau jour, évidemment, ça s'est cassé la gueule. Être punk, ça ne suffisait peut-être pas. Il fallait aller un peu plus loin. À cette époque, beaucoup prenaient les armes pour un oui ou pour un non. Voilà, nous, il n'y avait pas de projet politique, hein, on ne se mentait pas à nous-mêmes, hein, non plus. Hein, on était une bande de nihilistes, une espèce d'anarcho-nihiliste, sans foi ni loi, et voilà. On voulait aller plus loin, et prendre de l'argent là où il en avait, et rien de voir à personne, quoi. On se fait plus ou moins remarquer à Nantes, quoi, après un braquage loupé, et on est obligé de partir en cavale. Donc je suis obligé de laisser tomber du jour au lendemain le groupe, quoi. C'est en quelle année ? 1986. 2 ans avant la Brins. On arrive à Toulouse, donc dans cette ville où on est en ce moment. Là, à Toulouse, grâce à Iñaki, on rencontre un petit noyau de militants anarchistes, des commandos autonomes anticapitalistes. Hein. C'était des Basques qui avaient un groupuscule qui a explosé, qui avait explosé quelques années. Beaucoup de ces militants s'étaient retrouvés à Toulouse et il se trouve qu'Iñaki les connaissait. Donc on se retrouve et on essaye de. Voilà. Nous sommes en cavale. On est hébergé par les uns et par les autres. Et on recommence à braquer les banques. Le cerveau, tout d'abord, un Espagnol de 31 ans, José Gómez Martín, ancien militant d'une faction de l'ETA, il a basculé dans le grand banditisme, puis la drogue. Apparemment, il travaillait pour son propre compte et non pour financer les caisses du terrorisme basque. Autour de lui, une nébuleuse de 6 à 7 personnes rencontrées en prison ou à Toulouse. Après, on s'en va tenter une première fois notre chance en Espagne. À ce moment-là, j'essaye de faire venir également, je me sépare momentanément de Gnacchi, de Didier, pour faire venir Nathalie et mon gamin, pour essayer une première fois de recommencer, de refaire ma vie. On s'installe à Gijón, mais bon, voilà, sans argent, on ne pouvait rien faire. Donc, retour à Bordeaux. Ensuite, je rencontre Philippe Rose, mon ami, qui m'amène à Toulouse. Et ensuite, nous vivons un certain laps de temps dans un squat, dans une ferme à côté de Toulouse. Et puis bon, voilà, sans argent, sans avenir, et toujours recherché par la police, et ben je reviens vers Gnacchi et Didier. Et c'est là que naît le projet de d'attaque de la Brinks. Des malfaiteurs habillés en gendarmes ont dérobé 15 millions de francs dans un dépôt de la société de transport de fonds Brinks à Toulouse. Pendant toute la nuit, ils ont retenu en otage plusieurs personnes qu'ils n'ont relâchées qu'à l'aube. Ça demandait un an de préparation, au moins. Bon, au début, c'était un projet un peu fou. Hein. Bon, ben, nous, à l'époque, on avait peur de rien. Hein. Rien ne nous arrêtait. Hein. Mais quand même, même pour nous, le projet paraissait un peu fou. Non, bon, on s'y colle, on s'y met, on repère donc les lieux, on sait où se trouve le centre fort de la Brinks, on le repère. Ce n'était pas difficile, il était sur le bottin. Donc, c'est pas incroyable, là, maintenant. Mais bon, voilà. Donc, on repère les lieux, on commence à suivre les employés. Un peu le même travail que fait la police quand elle recherche des gangsters, quoi, ou des voyous, quoi. On suit les employés, on fouille dans les poubelles, on cherche des adresses, qui fait quoi, comment, à quelle heure partait le fourgon, on suit les fourgons, voilà. Et au bout d'un moment, avec tous ces éléments, on recolle les morceaux du puzzle, quoi, et on décide d'une action. Bon, il n'était pas question d'attaquer un fourgon, pas question de tirer partout dans la rue, d'attaquer un fourgon, de faire exploser un fourgon comme le faisaient d'autres bandes de gangsters, la bande de voyous en France. Hein. Il n'était pas question d'user de violence, de faire exploser quoi que ce soit. Donc on a décidé de séquestrer les deux premiers employés qui arrivaient le matin pour être sûr de notre fête. Voilà, ils nous ont expliqué exactement ce qu'on savait déjà, comment ils ouvraient les portes. Comment ce fourgon blindé qui partait tout le matin aller chercher les clés du coffre et revenait à telle heure pour éteindre le système d'alarme. Enfin bon, bref, c'était assez compliqué à raconter maintenant. Mais, et donc à partir de là, il ne nous restait plus qu'à rentrer là-dedans et il se l'a fait au bluff, quoi. C'est-à-dire on laissait rentrer les deux ouvriers. On avait leur famille avec nous, malheureusement. Nous avions leur femme avec nous. Et ces deux ouvriers ont travaillé comme d'habitude, ont ouvert leurs collègues. Leurs collègues sont partis chercher les clés. Et à ce moment-là, ces deux ouvriers, puisqu'on détenait leur famille, nous ont laissé rentrer à l'intérieur. Et, voilà. Et là, on a pris possession des lieux, on a tendu les clés, et on n'a plus eu qu'à ouvrir les coffres, quoi. Des truands de droit commun avec des méthodes de politique. Voilà comment la SRPJ de Toulouse qualifiait aujourd'hui les auteurs du hold-up de la Brinks. Les méthodes, ce sont celles du terrorisme, comme par exemple dans ce hangar de la banlieue toulousaine où ils ont préparé psychologiquement les otages. Pour les empêcher de parler, l'un d'eux avait même une ceinture d'explosifs contre le ventre. Les ravisseurs sont même allés jusqu'à simuler un contrôle de faux gendarmes sur la route en allant vers le dépôt. Tout cela pour tester la fiabilité des otages en cas d'impair. Il fallait absolument qu'on arrête une voiture à un moment donné qui nous gênait dans la entre le moment où on devait rentrer, entre le moment où le fourgon partait, un employé arrivait et il fallait l'intercepter. Donc nous avions pensé à un barrage de gendarmes. Nous avions donc des costumes de gendarmes, avec 2 4L de gendarmes, et nous avons intercepté cet employé déguisé en gendarme, donc il a obtempéré sans problème, sans violence. Vers 8h, ils prennent la fuite à bord de 2 Renault Espace avec le butin. Un quart d'heure plus tard, un employé découvre les otages. Dans un fourgon à côté, il y avait 4 otages qui avaient les menottes au poignet. Et puis, c'est tout, on a appelé la police et qui sont arrivés. Et puis... Ça s'est passé à quelle heure? Nous, on les a découverts à 8h15. Par... Mmh. Et nous avons appelé la police qui est arrivée 5 minutes après. Et nous ont dit que c'était des otages, des employés de la Brinks qui avaient été pris comme otages. Une enquête qui s'avère d'ores et déjà difficile pour le SRPJ de Toulouse. Le commando d'une dizaine d'hommes était parfaitement renseigné et a préparé minutieusement ce hold-up sans bavure. La légende veut que nous étions malades du sida et que tous ces braquages, cette série de braquages a été commis alors que nous allions mourir, etc. Malheureusement, ce n'est pas entièrement vrai, quoi. Le sida nous a touchés bien plus tard. Moi en 95, les deux autres en 92 et en 94. À ce moment-là, nous n'étions pas malades, quoi. Voilà. J'avoue que même à cette époque, ne jamais avoir été aussi en forme, puisqu'on a, on courait tous les jours, on se préparait pour l'attaque armée de la Brinks. On jouait donc à la pelote basque tous les jours, on courait tous les jours et j'allais au gymnase l'après-midi. Donc évidemment, nous, en forme physique, ça allait parfaitement. Moi, je suis au courant de rien, je découvre ça dans les journaux, hein, je crois. Et puis, plus de nouvelles. Hein. Là, au moment de la Brix, on n'a pas été emmerdés, je crois. C'était avant, on a été emmerdés. Oui, le groupe. Et puis, ben, on s'est dit, voilà, Inch'Allah, hein, j'espère qu'ils ne vont pas se faire prendre. Puis, comme ils ne se sont pas fait prendre direct, on a eu toujours de l'espoir. Mais en fait, petit à petit, je crois qu'ils sont tombés les uns après les autres. Plus ceux qui étaient malades. Hein. Et après, moi, j'ai eu plus de nouvelles. Hein. Ce petit cercle avait choisi Toulouse par goût, mais aussi pour sa proximité avec l'Espagne, où un complice court toujours. Il s'agit de Gilles Bertin, contre qui un mandat d'arrêt international vient d'être lancé. Didier s'est fait attraper l'été même du braquage, hein. En juillet 88, Iñaki aussi. Il y avait des filles aussi qui nous accompagnaient à l'époque, elles se sont fait attraper. D'autres complices aussi à Toulouse aussi, quelques anarchistes. Bon. Tout le monde s'est fait attraper, sauf moi. Plein de gens, après, nous ont demandé « Alors, il est où, Gilles? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait ?» Mais en fait, on n'en savait rien. Hein. Même, je crois, à la fin, quand il était dans le groupe, hein, il parlait pas de tout ce qu'il faisait à côté. Hein. Bah, c'était bien vu. Hein. Enfin, c'est ce qu'il fallait faire, hein, de toute manière. Et puis, donc, voilà, il est parti... Dans mes visions les plus positives, il était en train de se dorer la pilule dans un autre pays. Mais en mon fort intérieur, j'y croyais pas trop. Hein. En fait, je pensais pas le revoir. Quoi. Voilà. Je pensais qu'il était mort. Ouais, j'étais plus de ce côté-là que le côté Caraïbe. Les années punk, drogue and Brinks. Fin de la première partie avec Gilles Bertin et Benoît Destrio. Archivina, Marine de Cans. Mixage, Alain Joubert. Coordination, Christine Bernard. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy réalisé par Delphine Lemaire.